Chapitre 55. Comment nous devons nous préparer à la communion si nous voulons qu'elle nous excite à l'amour de Dieu? Si vous voulez que la Sainte Eucharistie embrase votre cœur du feu de l'amour divin, pensez à l'amour que Dieu vous a témoigné. Dès la veille au soir, considérez que ce Seigneur si grand et si puissant ne s'est pas contenté de vous créer à son image et à sa ressemblance et d'envoyer son Fils unique sur la terre afin qu'il y souffrit durant 33 ans en expiation de vos iniquités, et qu'il endura pour votre salut des tourments inouïs et la mort cruelle de la croix, mais que de plus il a voulu vous le laisser pour être votre nourriture et votre soutien dans le très saint sacrement de l'autel. Examinez attentivement, en cet amour, les qualités éminentes qui le rendent, à tous égards, parfait et sans égal. Premièrement, si vous considérez sa durée, vous y reconnaîtrez un amour perpétuel, un amour sans commencement. Comme Dieu est éternel en sa divinité, ainsi l'est-il en son amour. C'est cet amour qui lui a fait prendre en lui-même, avant tous les siècles, la résolution de nous donner son Fils unique d'une manière si admirable. À cette pensée, vous vous écrirez dans les transports d'une sainte allégresse. Il est donc vrai qu'en cet abîme de l'éternité, ma bassesse était si chérie et si estimée de ce grand Dieu qu'il pensait à moi et désirait, dans son ineffable charité, me donner son Fils unique en nourriture. Deuxièmement, tous les autres amours, si ardents soient-ils, ont des bornes qu'ils ne peuvent dépasser. L'amour de Dieu seul est sans mesure. C'est pour satisfaire pleinement cet amour qu'il nous a donné son propre Fils, ce Fils unique qu'il égale en majesté et en perfection, qui a la même substance et nature que lui. Ainsi, l'amour est aussi grand que le don, et le don aussi grand que l'amour. Et l'un et l'autre sont tels qu'ils surpassent tout ce que l'intelligence peut imaginer de plus sublime. Troisièmement, Dieu dans son amour pour nous n'a cédé à aucune nécessité, à aucune contrainte. C'est à sa bonté naturelle uniquement que nous devons ce gage ineffable de son affection pour nous. Quatrièmement, aucune œuvre, aucun mérite de notre part n'a pu engager ce maître souverain à honorer notre bassesse d'un tel excès d'amour. C'est par pure libéralité qu'il s'est donné à de pauvres créatures telles que nous. Cinquièmement, si vous examinez la pureté de cet amour, vous n'y verrez pas ce mélange d'intérêts qui se rencontre dans les amitiés mondaines. Le Seigneur n'a que faire de nos biens, puisqu'il jouit en lui-même et indépendamment de nous d'un bonheur et d'une gloire sans bornes. Et si, dans sa bonté et sa charité ineffable, il s'est abaissé vers nous, c'est notre avantage et non le sien qu'il a recherché. À cette pensée, vous vous direz en vous-même, comment se peut-il qu'un Dieu infiniment grand mette son affection dans une si abjecte créature? Que voulez-vous, ô roi de gloire? Qu'attendez-vous de moi qui ne suis qu'un peu de poussière? Je vois parfaitement, ô mon Dieu, dans les splendeurs de votre ardente charité, que vous n'avez qu'un seul dessein, et cette vue me découvre plus clairement que jamais la pureté de votre amour. Vous voulez, en vous donnant à moi en nourriture, me transformer en vous, non que vous ayez besoin de moi, mais parce que vous désirez que, vivant en vous, et vous en moi, je devienne par cette union amoureuse un autre vous-même, et que mon cœur, si vil et si attaché aux choses de la terre, ne fasse plus avec le vôtre qu'un cœur céleste et divin. Pénétrez d'étonnement et de joie à la vue de l'estime et de l'amour dont Dieu vous honore, et persuadez que son amour tout-puissant n'a d'autre dessein, d'autre volonté que d'attirer à lui votre amour, en le détachant d'abord de toutes les créatures, et ensuite de vous-même qui êtes aussi une créature, offrez-vous tout entier en holocauste au Seigneur, afin que son amour seul et le désir de lui plaire dirigent votre entendement, votre volonté et votre mémoire, et règlent désormais l'usage de vos sens. Considérant ensuite que rien n'est capable de produire en vous ces fruits divins, comme la digne réception du très saint sacrement de l'autel, ouvrez au Seigneur le chemin de votre âme par les oraisons jaculatoires et les amoureuses aspirations qui suivent. Ô nourriture plus que céleste, quand viendra l'heure où, embrasée des seules flammes de votre amour, je me sacrifierai tout entier à vous? Quand donc viendra cette heure? Quand viendra-t-elle, ô amour incréé, ô manne céleste? Quand sera-ce que, dégoûté de tout aliment terrestre, je ne soupirerai plus qu'après vous, je ne me nourrirai plus que de vous? Quand sera-ce, ô douceur de mon âme, ô mon unique bien? Je vous en conjure, ô mon très aimant et très puissant Seigneur, dégagez dès maintenant ce misérable cœur de toute attache, de toute passion coupable, et ornez-le de vos admirables vertus et de cette intention pure qui ne cherche en toute chose que votre bon plaisir. Alors je vous ouvrirai mon cœur, je vous inviterai, j'userai d'une douce violence pour vous contraindre d'y entrer. Et vous, Seigneur, vous opérerez en moi, sans rencontrer de résistance, les effets que vous avez toujours désiré y produire. Ce sont là les sentiments d'amour que vous entretiendrez dans votre âme, le soir et le matin, afin de vous préparer à la communion. Quand approche le temps de communier, considérez quel est celui que vous allez recevoir. C'est le Fils de Dieu, celui dont la majesté souveraine fait trembler les cieux et toutes les vertus des cieux. C'est le Saint des saints, le miroir sans tache, la pureté incompréhensible, en comparaison de laquelle toute créature est souillée. C'est lui qui, devenu semblable à un ver de terre et confondu avec la lie du peuple, a voulu par amour pour vous être rebuté, foulé aux pieds, tourné en dérision, couvert de crachats et attaché à la croix par la malignité et l'injustice du monde. Vous allez, dis-je, recevoir ce Dieu qui tient dans sa main la vie et la mort de l'univers entier. Considérez d'un autre côté que de vous-même vous n'êtes rien, et que par le péché vous vous êtes volontairement ravalé au-dessous des êtres les plus vils et les plus immondes, et rendu digne d'être à jamais l'opprobre et le jouet des esprits infernaux. Qu'au lieu de témoigner à Dieu votre reconnaissance pour les immenses et innombrables bienfaits qu'il vous a accordés, vous avez, en suivant vos caprices et vos passions, méprisé ce maître si grand et si plein d'amour, et foulé aux pieds son sang précieux. Que dans sa charité persévérante et son immuable bonté, il vous invite néanmoins à vous approcher de sa table sainte, qu'il vous y oblige même sous peine de mort. Il ne vous refuse point l'accès de sa miséricorde, il ne se détourne point de vous, bien que par nature vous soyez couvert de lèpre, boiteux, hydropique, aveugle, possédé du démon, et que vous soyez livré à toutes les débauches. Tout ce qu'il demande de vous, c'est, premièrement, que vous vous repentiez de l'avoir offensé, deuxièmement, que vous haïssiez par-dessus toute chose le péché mortel et véniel, troisièmement, que vous vous teniez étroitement uni à sa volonté sainte, par l'affection toujours et par les effets quand il vous intimera ses ordres, quatrièmement, enfin, que vous espériez avec une ferme confiance qu'il vous pardonnera vos offenses, effacera vos souillures et vous défendra contre tous vos ennemis. Ainsi fortifié par la pensée de l'amour ineffable que vous porte votre divin Sauveur, vous vous approcherez de la table sainte avec un respect mêlé de crainte et d'amour. Seigneur, lui direz-vous, je ne suis pas digne de vous recevoir parce que je vous ai si souvent et si grièvement offensé et que je n'ai pas encore pleuré mes fautes comme je dois le faire. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir parce que je ne me suis pas encore donné sincèrement à votre amour, à votre volonté et à l'entier accomplissement de vos ordres. Ô Dieu tout-puissant et infiniment bon, je vous en conjure au nom de votre bonté et de vos promesses. Rendez-moi digne de vous recevoir avec foi et amour. Aussitôt après la communion, recueillez-vous dans le secret de votre cœur et, oubliant toute chose créée, entretenez-vous avec votre divin Sauveur en ces termes, ou autres semblables. Ô roi du ciel, qui donc vous a fait descendre en moi, qui ne suis qu'une créature misérable, pauvre, aveugle et dénuée de tout? Et il vous répondra, c'est l'amour. Et vous lui répliquerez, ô amour incréé, ô amour plein de charme, que voulez-vous de moi? Rien, dira-t-il, sinon l'amour. Je ne veux voir d'autre feu brûler sur l'autel de ton cœur, dans tes sacrifices et dans toutes tes œuvres, que le feu de mon amour. Qu'il consume en toi tout amour terrestre et toute volonté propre, et fasse monter jusqu'à moi le plus suave des parfums. C'est là ce que j'ai toujours demandé, et ce que je demande encore, car mon désir est que je sois tout à toi, et que tu sois toi-même tout à moi. et ce désir restera sans accomplissement aussi longtemps que, faute d'avoir fait cet acte de renoncement à toi-même qui m'est si agréable, tu demeureras attaché à ton amour-propre, à ton jugement, à tes volontés et au désir que tu as d'être estimé des hommes. Je demande de toi la haine de toi-même, pour te donner mon amour, ton cœur pour l'unir à mon cœur, qui a été ouvert sur la croix pour recevoir le sien. Je demande de toi la haine de toi-même pour te donner mon cœur, ton cœur pour l'unir à mon cœur, qui a été ouvert sur la croix pour recevoir le tien. Je te requiers tout entier pour me donner tout entier à toi. Tu sais que je vaux incomparablement plus que toi, et néanmoins je consens dans ma bonté à ne pas m'estimer plus haut que toi. Achète-moi donc maintenant, ô âme bien-aimée, en te donnant à moi. Je veux que tu arrives à ne rien vouloir, ne rien penser, ne rien entendre, ne rien voir en dehors de moi et de ma volonté, afin qu'en toi ce soit moi qui veuille, pense, entende et voie, et que ton néant ainsi absorbé dans l'abîme de ma grandeur infinie se convertisse en elle. De cette façon, tu seras pleinement heureuse en moi, et moi-même pleinement heureux en toi. Enfin, vous présenterez au Père éternel son Fils bien-aimé, pour le remercier du don qu'il vous a fait, et pour solliciter de sa bonté les grâces que vous désirez obtenir pour vous-même, pour la Sainte Église, pour vos parents, pour vos bienfaiteurs, et pour les âmes du purgatoire. Cette offrande, vous l'unirez à celle que Jésus-Christ fit de lui-même sur la croix, lorsqu'il s'offrit tout sanglant à son Père céleste. Vous pourrez lui offrir de même toutes les messes qui se célébreront ce jour-là dans la Sainte Église romaine. Chapitre 56 de la Communion spirituelle. Bien qu'on ne puisse recevoir sacramentellement notre divin Sauveur plus d'une fois le jour, on peut, comme je l'ai dit, le recevoir spirituellement à chaque heure, à chaque instant. Cet avantage, rien ne peut nous le ravir, sinon notre négligence ou une faute quelconque dépendant de notre volonté. Il arrivera parfois que cette communion sera plus fructueuse et plus agréable à Dieu que ne le sont, faute de dispositions convenables, bon nombre de communions sacramentelles. Lors donc que vous serez disposé à faire la communion spirituelle, vous trouverez toujours le Fils de Dieu prêt à se donner à vous de ses propres mains pour être la nourriture de votre âme. Pour vous y préparer, tournez votre pensée vers le Seigneur et, après avoir jeté un regard rapide sur vos fautes, exprimez-lui la douleur que vous en ressentez et priez-le avec foi et humilité de daigner descendre dans votre pauvre âme pour la guérir et la fortifier contre ses ennemis. Quand vous vous ferez violence à vous-même pour mortifier une passion ou pratiquer un acte de vertu, faites-le dans le but de préparer votre cœur à notre Seigneur, qui vous le demande sans cesse. Vous tournant ensuite vers lui, conjurez-le instamment de venir avec sa grâce vous guérir de vos blessures et vous délivrer de vos ennemis, afin que désormais il soit seul à posséder votre cœur. Ou bien, rappelant à votre souvenir votre dernière communion sacramentelle, dites-lui avec un cœur embrasé : « Quand donc, Seigneur, quand pourrais-je vous recevoir encore ? Cet heureux jour, quand viendra-t-il ? » Si vous voulez faire la communion spirituelle avec plus de dévotion, disposez-vous-y dès le soir précédent, en offrant à Dieu dans ce but toutes vos mortifications, tous vos actes de vertu, toutes vos bonnes œuvres. Et le matin de bonne heure, considérez quel avantage et quel bonheur c'est pour une âme de recevoir dignement le Saint-Sacrement de l'autel, puisque par là elle recouvre les vertus perdues, reprend sa beauté première et participe aux fruits et aux mérites de la passion du Fils de Dieu. Songez combien Dieu lui-même désire que nous le recevions et que nous possédions tous ses biens, et efforcez-vous d'allumer en votre cœur un grand désir de le recevoir pour vous rendre agréable à ses yeux. Enflammé de ce désir, tournez-vous vers lui et dites-lui, puisqu'il ne m'est pas donné de vous recevoir aujourd'hui sacramentellement, faites, ô bonté, ô puissance infinie, que purifiée de mes fautes et guérie de mes blessures, je vous reçoive spirituellement maintenant, chaque jour et à chaque heure du jour, que j'obtienne ainsi des grâces et des forces nouvelles pour triompher de tous mes ennemis, de celui surtout que je combats actuellement en vue de vous plaire. Chapitre 57 de l'action de grâce. puisque tout ce que nous avons et faisons de bien est à Dieu et vient de Dieu. Nous sommes tenus de le remercier de toutes les vertus que nous pratiquons, de toutes les victoires que nous remportons sur nous-mêmes, et de tous les bienfaits, soit généraux, soit particuliers, que nous recevons de sa main miséricordieuse. Pour nous acquitter convenablement de ce devoir, nous devons considérer la fin que Dieu se propose en nous communiquant ses dons. Cette considération nous apprendra la manière dont le Seigneur veut être remercié. Comme dans tous les bienfaits qu'il accorde, Dieu a principalement en vue d'accroître sa gloire et de nous attirer à son amour et à son service. Faites d'abord cette réflexion en vous-même. Quelle preuve de la puissance, de la sagesse et de la bonté de Dieu que ce bienfait qu'il m'a accordé, cette grâce qu'il m'a faite. Puis, voyant que de vous-même vous n'avez rien qui mérite les faveurs de Dieu, et qu'en vous au contraire tout est démérite et ingratitude, vous direz à Dieu avec une humilité profonde. Comment daignez-vous regarder et combler de vos bienfaits une créature aussi vile que moi? Que votre nom soit béni dans les siècles des siècles. Considérant enfin que Dieu vous accorde ses bienfaits pour vous exciter à l'aimer et à le servir, allumez en votre âme un ardent amour pour ce Dieu si aimant, et un désir sincère de le servir en tout, conformément à sa sainte volonté. Vous ferez alors une entière offrande de vous-même au Seigneur, de la manière que nous allons dire. Chapitre 58. De l'offrande de soi-même à Dieu. Pour que cette offrande soit entièrement agréable à Dieu, nous avons deux choses à faire. La première, unir cette offrande à celle que Jésus-Christ a faite à son Père. La seconde, dégager notre volonté de toute attache aux créatures. Pour la première, vous devez savoir que le Fils de Dieu, lorsqu'il vivait en cette vallée de larmes, ne se contentait pas de s'offrir lui-même avec ses œuvres à son Père céleste, mais qu'il lui offrait en même temps notre personne et nos œuvres. Notre offrande doit donc se faire en communion avec la sienne et s'appuyer entièrement sur elle. Pour la seconde, voyez, avant de vous offrir au Seigneur, si votre volonté est entièrement détachée des créatures et, si elle ne l'est pas, débarrassez-la d'abord de ses liens. Pour cela, recourez à Dieu et demandez-lui de briser lui-même vos entraves afin que vous puissiez vous offrir à sa divine majesté, dégagée et libre de toute affection terrestre. Ce point mérite toute votre attention, car lorsque vous offrez à Dieu un cœur attaché aux créatures, ce n'est pas votre bien que vous offrez à Dieu, mais le bien des autres, puisque ce n'est plus à vous-même que vous appartenez, mais bien aux créatures à qui vous avez attaché votre volonté. Un semblable présent est plutôt une moquerie, et elle ne peut que déplaire au Seigneur. De là vient que l'offrande que nous faisons de nous-mêmes au Seigneur ne produit en nous aucun fruit de vertu, et même qu'elle nous fait tomber en beaucoup d'imperfections et de fautes. Nous pouvons, il est vrai, nous offrir à Dieu, alors même que nous sommes attachés aux créatures, mais c'est à la condition de demander à Dieu qu'il daigne briser nos liens pour que nous puissions ensuite nous dévouer tout entier au service de sa divine majesté, ce qu'il faut faire souvent et avec beaucoup de ferveur. Que votre offrande soit donc pure de toute affection étrangère et de tout attachement à votre volonté propre. Ne considérez ni les biens de la terre, ni ceux du ciel. N'envisagez que la volonté et la providence de Dieu, à laquelle vous devez vous soumettre sans réserve, et vous sacrifier en perpétuel holocauste. Et oubliant toutes les choses créées, dites-lui, « Voici, ô mon Dieu et mon Créateur, que je remets ma personne et ma volonté tout entière entre les mains de votre éternelle providence. Faites de moi tout ce qui vous plaira durant ma vie, ma mort et après ma mort, dans le temps et dans l'éternité. » Si en parlant ainsi vous parlez sincèrement, et vous vous en apercevrez au temps de l'adversité, de terrestre que vous êtes, vous deviendrez tout spirituel, et vous ferez avec Dieu un échange à jamais heureux. Vous serez à Dieu, et Dieu sera à vous, car il est toujours à ceux qui se détachent des créatures et d'eux-mêmes pour se donner à lui et se sacrifier à sa divine majesté. Vous voyez donc, âme chrétienne, un moyen très puissant de vaincre tous vos ennemis, car si par l'offrande de vous-même à Dieu, vous vous unissez à lui de manière à être tout à lui et lui tout à vous, quel ennemi sera capable de vous nuire? Et lorsque vous voudrez lui offrir des jeûnes, des oraisons, des actes de patience et autres bonnes œuvres, rappelez-vous les jeûnes, les oraisons et toutes les actions que Jésus-Christ offrait à son Père. Mettez votre confiance en leur mérite et leur vertu, et offrez-lui ensuite les vôtres. Si vous voulez offrir au Père Céleste les actions de Jésus-Christ en satisfaction de vos offenses, voici la méthode que je conseille de suivre. Faites une revue générale et parfois même détaillée des égarements de votre vie. Et, convaincu que de vous-même vous ne pouvez apaiser la colère de Dieu, ni satisfaire à sa justice, recourez à la vie et à la passion de son Fils. Considérez-le dans une circonstance quelconque de sa vie. Voyez-le, par exemple, prier et jeûner, souffrir et répandre son sang, afin de vous réconcilier avec lui et de payer la dette contractée par vos péchés. Ô Père éternel, dit-il, voilà que, pour être fidèle à vos ordres, je satisfais surabondamment à votre justice pour les péchés et les dettes de X. Que votre divine majesté daigne les pardonner et l'admettre au nombre des élus. Présentez alors pour vous-même au Père Céleste l'offrande et les prières de son divin Fils, et conjurez-le par leur mérite de vous remettre vos offenses. Pourrez suivre cette méthode que vous passiez d'un mystère à l'autre, ou que vous parcouriez les différentes circonstances d'un même mystère, que vous priez pour vous-même ou que vous priez pour d'autres. Chapitre 59. La dévotion sensible et la sécheresse spirituelle. La dévotion sensible procède tantôt de la nature, tantôt du démon, tantôt de la grâce. Vous en reconnaîtrez l'origine au fruit qu'elle produira. Si elle ne rend pas votre vie meilleure, vous avez sujet de craindre qu'elle ne vienne du démon ou de la nature, et cette crainte sera d'autant plus fondée que vous prendrez plus de goût et de plaisir à cette dévotion, que vous vous y attachez davantage et qu'elle vous donnera une plus grande estime de vous-même. Lorsque vous sentirez les consolations spirituelles abonder en votre âme, ne vous amusez point à examiner quel en peut être le principe. Gardez-vous de mettre en elle votre confiance et de perdre de vue la connaissance de votre néant. Mais, redoublant de vigilance et de haine à l'égard de vous-même, efforcez-vous de tenir votre cœur libre de tout attachement, même spirituel, et de ne désirer que Dieu seul et son beau plaisir. De cette manière, la douceur que vous ressentez, dût-elle son origine à l'action de la nature ou du démon, deviendra un effet de la grâce. La sécheresse spirituelle peut procéder pareillement des trois principes que nous venons de mentionner. Du démon, qui espère par là nous porter au relâchement et nous faire abandonner les exercices spirituels pour les amusements et les plaisirs du monde. De nous-mêmes, qui donnons lieu par nos fautes, notre attachement aux choses de la terre et notre négligence. De l'Esprit Saint, qui nous envoie cette épreuve, soit pour nous avertir d'être plus diligents à nous détacher de tout ce qui n'est pas Dieu ou qui ne tend pas à lui, soit pour nous convaincre par notre propre expérience que tout ce qu'il y a de bien en nous vient de Dieu, soit pour nous faire estimer davantage les dons du ciel et nous les faire garder avec plus d'humilité et de vigilance, soit pour nous unir plus étroitement à sa divine majesté en nous faisant renoncer à tout, même aux délices spirituels, de peur que les aimant trop, nous ne leur donnions une part de ce cœur que le Seigneur veut tout entier pour lui, soit enfin parce qu'il se plaît, pour notre bien, à nous voir combattre de toutes nos forces et mettre sa grâce à profit. Lors donc que vous sentirez cette sécheresse spirituelle, rentrez en vous-même, examinez quel est le défaut qui vous a fait perdre, non pour recouvrer les consolations de la grâce, mais pour bannir de votre âme tout ce qui déplaît aux yeux de Dieu. Si vous ne découvrez pas en vous ce défaut, efforcez-vous d'acquérir au lieu de la dévotion sensible, la dévotion véritable qui consiste dans une prompte résignation à la volonté de Dieu. Gardez-vous bien surtout d'abandonner vos exercices spirituels. Employez au contraire toute votre énergie à les continuer, quelque infructueux et insipide qu'ils vous paraissent, et acceptez de bon cœur le calice d'amertume que vous présente l'amoureuse volonté de Dieu. Et si la sécheresse est accompagnée de tant et de si épaisses ténèbres spirituelles que vous ne sachiez où vous tourner, ni quelle partie prendre, ne vous découragez point pour cela, mais demeurez fermement attaché à la croix. Ne recherchez point les consolations terrestres, repoussez-les même si le monde et les créatures venaient vous les offrir. Que tous ignorent vos peines, hormis votre Père spirituel à qui vous les découvrirez, non pour les alléger, mais pour apprendre de lui le moyen de les supporter conformément au bon plaisir de Dieu. Ne faites point vos communions, vos prières et vos exercices spirituels pour obtenir de Dieu qu'il vous détache de la croix, mais bien pour acquérir la force dont vous avez besoin pour la porter à la plus grande gloire de Jésus crucifié. Que si le trouble de votre âme vous empêche de méditer et de prier comme vous le souhaiteriez, méditez le moins mal que vous pourrez. Ce que vous ne pouvez faire par l'intelligence, efforcez-vous de le faire par la volonté. Servez-vous de la prière, vous adressant tantôt à vous-même, tantôt à votre divin maître. Vous en retirerez des fruits merveilleux, et votre cœur pourra respirer et reprendre des forces. Dites à votre âme, « Pourquoi es-tu triste, ô mon âme, et pourquoi te troubles-tu ? Mets en Dieu ton espérance, car je le louerai encore. Il est le salut de mon visage, il est mon Dieu. Pourquoi, Seigneur, vous êtes-vous retiré de moi ? Et dédaignez-vous de me regarder au temps de ma détresse et de ma tribulation. Ne m'abandonnez pas pour toujours. » Rappelez-vous la doctrine consolante que Dieu révéla à Sarah, femme de Tobie au temps de sa tribulation. Mettez-la à profit et dites de vive voix avec cette servante bien-aimée du Seigneur. Quiconque vous honore a la certitude que si sa vie est éprouvée, elle sera couronnée, que si elle est dans la tribulation, elle en sera délivrée, que si elle est châtiée, elle obtiendra miséricorde, car vous ne prenez point plaisir à nos tribulations. Mais après la tempête, vous rendez le calme, et après les larmes et les soupirs, vous répandez l'allégresse. Ô Dieu d'Israël, que votre nom soit béni dans tous les siècles. Rappelez-vous à quel excès de douleur Jésus se vit abandonné dans le jardin et sur la croix par son Père céleste lui-même, et portant votre croix à son exemple, vous direz de tout cœur que votre volonté soit faite. Si vous agissez de la sorte, la patience et l'oraison élèveront la flamme de votre sacrifice jusqu'au trône de Dieu et vous acquérerez la vraie dévotion. Cette dévotion, comme je l'ai dit plus haut, consiste à avoir la ferme volonté de suivre, sans hésiter la croix sur les épaules, notre divin Sauveur, en quelque lieu qu'il nous appelle et nous conduise. Elle consiste à aimer Dieu pour lui-même, et parfois aussi à quitter Dieu pour Dieu. Si les personnes qui font profession de piété, et les femmes principalement, mesuraient leur progrès à leur résignation, plutôt qu'à leur dévotion sensible, elles ne seraient pas victimes de leurs illusions et des artifices du démon. Elles s'appliqueraient avec plus de ferveur à servir sa divine majesté, qui dispose ou permet tout ce qui nous arrive pour sa gloire et notre avantage. Voici encore une illusion commune chez les personnes du sexe, chez celles même qui s'éloignent avec crainte et prudence des occasions dangereuses. Parce qu'elles sont tourmentées de pensées impures et horribles, parfois perdent de courage et se croient abandonnées et repoussées de Dieu. Il leur semble impossible que l'Esprit-Saint demeure dans une âme remplie de semblables pensées. Leur abattement devient tel parfois qu'elles sont sur le point de se laisser aller au désespoir et d'abandonner leurs exercices spirituels pour retourner en la terre d'Égypte. Elles ne savent pas apprécier le don du Seigneur et comprendre que si Dieu permet qu'elles soient assaillies de ces horribles fantômes, c'est afin de les ramener à la connaissance d'elles-mêmes et de les forcer par le sentiment de leur impuissance à s'approcher de lui. Faute de comprendre les vues de Dieu à leur égard, elles se plaignent amèrement de ce qui devrait être pour elles l'objet d'une reconnaissance sans borne envers la bonté infinie du Seigneur. Ce que vous avez à faire en ces occasions, c'est de considérer attentivement les inclinations perverses de votre nature. Dieu veut, dans votre intérêt, que vous sachiez combien ces inclinations sont promptes à vous entraîner au mal et dans quel abîme elles vous précipiteraient s'il ne venait à votre secours. Excitez-vous ensuite à la confiance en Dieu. Persuadez-vous bien que s'il vous découvre le péril, c'est qu'il est prêt à vous venir en aide, que son désir est de vous attirer et de vous unir plus étroitement à lui par la prière et l'invocation de son nom que, partant, vous lui devez d'humbles actions de grâce. Tenez pour assuré que ses tentations et ses pensées mauvaises se dissipent mieux par la souffrance paisible de la peine qu'elles vous causent et par une adroite fuite que par une résistance pleine d'inquiétude. Chapitre 60 de l'examen de conscience. Dans l'examen de conscience, il y a trois choses à considérer. Les fautes commises pendant la journée, leurs causes, le courage et l'ardeur que vous apportez à les combattre et à acquérir les vertus contraires. Quant aux fautes commises, vous ferez ce que j'ai dit au chapitre 26, où j'ai parlé de ce qu'il y a à faire lorsqu'on se sent blessé. Pour ce qui est de la cause de vos chutes, vous tâcherez de l'abattre et de la réduire à néant. Pour arriver à ce but, et tout ensemble pour acquérir les vertus chrétiennes, vous fortifierez votre volonté par la défiance de vous-même, par la confiance en Dieu, par l'oraison, par une application soutenue à vous exciter à la haine du vice et au désir de la vertu contraire. Tenez pour suspectes les victoires que vous avez gagnées et les bonnes œuvres que vous avez accomplies. Je vous conseille même de ne pas trop y arrêter votre pensée, pour ne pas vous exposer au danger presque inévitable de vous laisser entraîner à un secret mouvement de vaine gloire et d'orgueil. Abandonnez-les plutôt entre les mains de la divine miséricorde, et oubliant ce qui est derrière vous, tournez votre regard vers le chemin beaucoup plus long qui vous reste à parcourir. Quant aux actions de grâce à rendre au Seigneur pour les dons et les faveurs qu'il vous a accordés durant le jour, reconnaissez qu'il est l'auteur de tout bien. Remerciez-le de vous avoir délivré de tant d'ennemis, visibles et invisibles, et de vous avoir donné des pensées salutaires, des occasions de pratiquer la vertu, et tant d'autres bienfaits que vous ne connaissez point.